Chapitre 7e. Après avoir pris congé de B. Mascaro, désormais son protecteur, c'est Dupin à l'assurer d'un homme pris de boisson et en se tenant à la rampe que Paul Violaine descendit le sale escalier de la maison de placement. Cette fortune subite, inattendue, qui lui arrivait comme une tuile sur la tête, l'avait absolument enivré, étourdi. En un moment, sans transition, d'une position si horrible qu'en traversant les ponts, il regardait la scène d'un œil enfiévré, il arrivait à une situation de 12 000 francs par an, car c'était bien là le chiffre fantastique, inouï, que le placeur avait fait miroiter à ses yeux. Il avait bien dit 12 000 francs par an, 1 000 francs par mois, et il avait offert d'avance le premier mois. C'était à devenir fou, et Paul l'était presque. Ses idées étaient à ce point troublées que, hors le fait merveilleux, il n'apercevait rien, qu'il ne cherchait aucunement à se rendre compte des incidents divers. Non, il trouvait toute naturelle cette succession d'événements bizarres, ce vieux clerc d'huissier apparaissant à point pour lui prêter 500 francs, ce placeur qui connaissait aussi bien que lui sa vie entière et qui là, tout à coup, sans marchander, lui proposait les appointements d'un chef de section du ministère. Cependant, une fois dans la rue, sous l'empire de sensations délirantes, Paul n'eut pas l'idée de courir à l'hôtel du Pérou pour y porter la grande nouvelle. Rose devait l'y attendre, il n'y songea pas, justifiant ainsi les pronostics du docteur Hortebise. Après une première gorgée de prospérité, il était pris d'un irrésistible désir de mouvement. Il ressentait un impérieux besoin de dépenser, d'épandre son exaltation. Il lui semblait que sa joie serait doublée s'il pouvait raconter son bonheur, le dire, le clamer. Mais où aller par le temps qu'il faisait? Et il n'avait pas d'amis à désoler de son succès. En cherchant bien, pourtant, il se souvint qu'au jour de ses premières misères à Paris, il avait emprunté quelque argent, oh bien peu, 20 francs, à un jeune homme de son âge, nommé André, qui ne devait guère être plus riche que lui. Il lui restait plus de la moitié du billet du vieux clerc d'huissier, une 15aine de louis environ qui frétillait dans sa poche. Il se sentit des billets de 1 000 francs sur la planche. N'était-ce pas le cas de s'acquitter, en même temps qu'une occasion superbe d'afficher une immense supériorité? Le malheur est que ce jeune homme demeurait fort loin, tout en haut de la rue de la Tour d'Auvergne. La distance effrayait un peu Paul, et il hésitait, quand une voiture vide vint à passer. Il y monta, jetant l'adresse au cocher, du tour d'un homme qui n'est pas habitué à aller à pied. Le fiacre se mit en marche, et Paul se prit à songer à ce généreux créancier chez lequel il se rendait. André n'était pas un ami, à peine était-ce un camarade. Paul avait fait sa connaissance dans un petit établissement du boulevard de Clichy, le café de l'Épinette, où il allait souvent avec Rose, lorsque, nouveau venu à Paris, il habitait Montmartre. Le café de l'Épinette n'est guère fréquenté que par des artistes, peintres, musiciens, comédiens, journalistes, tous grands hommes en herbe, qui discutent furieusement en buvant d'énormes quantités de bière. Quant au nom de l'établissement, il lui vient d'un piano installé dans une des salles du haut, instrument infortuné, soumis aux plus sévères épreuves, rarement d'accord, et dont on entend les gémissements du milieu de la chaussée. André, d'après ce que savait Paul, qui ne lui connaissait même pas d'autre nom et qui jamais n'avait été chez lui, André était artiste et avait plusieurs cordes à son arc. D'abord, il était sculpteur ornementiste, c'est-à-dire qu'il exécutait, à la journée ou à la tâche, ces motifs, si souvent ridicules, dont les propriétaires ont bien le droit d'orner leur bâtisse, mais qu'ils ont le tort de faire payer à leurs locataires. C'est un métier assez pénible que celui de sculpteur ornementiste. Le plus souvent, il faut travailler à des hauteurs vertigineuses, sur des échafaudages que fait osciller le plus léger mouvement. Il faut se confier à des planches étroites, ou se risquer au sommet d'échelles branlantes. De plus, à de rares exceptions, on est exposé à toutes les intempéries, gelé en hiver, grillé en été, sans autre abri contre la pluie qu'une toile déchirée. Il est vrai que si l'état est dur, il est lucratif. Donc, André devait vivre assez bien de ses figures et de ses guirlandes. Seulement, pendant bien des années, ce qui lui était venu par le maillet et le ciseau, s'en était allé par les pinceaux et par les couleurs. Car il était peintre aussi, mais alors pour son plaisir, pour la satisfaction de son ambition, pour obéir à une vocation irrésistible. Il avait beaucoup étudié, beaucoup travaillé chez plusieurs maîtres, puis enfin, un beau jour, se sentant assez fort pour marcher seul, il avait pris un atelier. De ce moment, la peinture ne lui coûta plus rien. Deux fois déjà, il avait exposé, et les marchands commençaient à prendre le chemin de sa maison. On tenait André en haute estime à l'épinette. On disait qu'il avait un talent très réel, une originalité saisissante et que certainement il arriverait, étant de plus un forcené bûcheur. Paul ne s'était pas trouvé 20 fois à la même table que lui, lorsqu'un soir, comme ils se retiraient ensemble, pressés par la misère, il devait emprunter 20 francs promettant de les lui rendre le lendemain. Mais le lendemain, Paul et Rose s'étaient trouvés plus pauvres que la veille, leurs affaires avaient été de mal en pis, puis ils avaient déménagé, ils étaient allés s'établir de l'autre côté de l'eau. Bref, il y avait 8 mois que Paul n'avait revu André. Le fiacre, en ce moment, s'arrêtait rue de la Tour d'Auvergne, devant le numéro X. Paul sauta sur le trottoir, jeta 2 francs au cocher et s'engagea dans l'allée très large et très bien tenue de la maison. Au fond de l'allée, une vieille femme grasse, fraîche, proprette, avec un bonnet à papillons, bien blanc, polissait les poignées de cuivre de la porte de la cour. Ce ne pouvait être que la concierge. « Monsieur André ?» demanda Paul. « Il est chez lui, monsieur, » répondit la vieille femme avec une volubilité extraordinaire, et même, sans manquer à la discrétion qui distingue tout concierge qui se respecte, « je puis dire que c'est un miracle. » « Toujours dehors, monsieur André. Ah, c'est que voyez-vous, il n'a pas son pareil comme travailleur. Mais, madame, et rangé donc qu'il est, » continue la vieille femme, « et économe. Je ne lui connais pas un sou de dette. Jamais je ne l'ai vu gris qu'une fois. Je dirais même, et pas de connaissance. N'était une jeune dame qui, depuis 1 mois, j'ai même eu assez de mal à la voir, rapport à son voile. Mais cela ne me regarde pas, n'est-il pas vrai? Moi, je la trouve très bien. Elle a toujours une femme de chambre avec elle, et certainement, quelques jours, « Morbleu !» interrompit Paul, impatienté. « M'indiquerez-vous enfin l'atelier de Monsieur André ?» Cette violente interruption sembla choquer affreusement la concierge. « 4e, porte à droite » répondit-elle d'un ton sec. Et pendant que Paul montait lestement, elle grommelait. « Vilain mal élevé, couper la parole à une femme d'âge. Mais laisse faire, mon joli garçon, si jamais tu te représentes, je te reconnaîtrai. Et tu ne trouveras pas souvent Monsieur André chez lui. » Paul était déjà au 4e étage, le dernier. Au milieu de la porte de droite, une carte de visite était clouée. Paul s'approcha et lut « André ». Il ne risquait pas de se tromper. Comme il n'apercevait pas de sonnette, il frappa, prêtant ensuite l'oreille, comme on fait toujours, machinalement, en pareil cas. Aussitôt il entendit un piétinement, puis le bruit d'un meuble qu'on roulait, puis le grincement d'anneaux de cuivre glissant sur une tringle de fer. Enfin une voix jeune et bien timbrée cria « « Entrez !» Le protégé de B. Mascaro ouvrit et entra. Il se trouvait dans un atelier éclairé d'en haut par un large vitrage, assez vaste, modeste, mais d'une propreté poussée jusqu'à la minutie. Des esquisses, des dessins, des tableaux inachevés garnissaient entièrement les murs. À droite se trouvait un divan très bas, recouvert d'un tapis tunisien. Au fond, au-dessus de la cheminée, était une glace à bordure de bois qu'un amateur eût incontinent marchandé. À gauche, se dressait un très grand chevalet à manivelle, mais un rideau de serge verte cachait le tableau qu'il supportait et dont on n'apercevait que la bordure, une bordure d'un grand prix. Au milieu de l'atelier, sa palette dans le pouce, des pinceaux à la main, un jeune homme se tenait debout, André. C'était un grand garçon, admirablement campé, très brun, ayant les cheveux coupés courts, portant toute sa barbe, une barbe aristocratique, fine, soyeuse, bouclée, noire, avec des reflets bleuâtres. Comparé à Paul, André certainement était laid. Mais le jeune peintre avait ce qui manquait au protégé de B. Mascaro, une de ces physionomies qu'on n'oublie pas. Le voir, d'ailleurs, c'était le connaître. Son front large et fier, sa bouche du dessin le plus ferme, son sourire, ses yeux noirs pleins d'éclairs, disaient du premier coup sa nature mâle et loyale, son intelligence, la bonté de son cœur et l'énergie de sa volonté. Détail singulier qui frappa Paul tout d'abord, André, qui était en train de peindre, on le voyait à sa palette et à son pinceau, n'avait point de costume d'atelier. Il était vêtu non à la mode, mais avec une recherche extrême. À la vue de Paul, André déposa sa palette et s'avança, la main largement tendue. « Eh, vous voici donc, » s'écria-t-il, de sa bonne voix sympathique et loyale. « Qu'êtes-vous devenu depuis qu'on ne vous voit plus ?» Cet accueil si amical ne laissa pas que de gêner un peu le protégé de B. Mascaro. « J'ai eu des déceptions, » commença-t-il, « 1000 soucis. »« Et Rose ?» interrompit André. « Vous allez, j'espère, m'en donner les meilleures nouvelles. Est-elle toujours aussi jolie ?»« Toujours, » répondit Paul d'un air pincé. « Mais vous m'excuserez, » reprit-il très vite, « d'avoir disparu si longtemps. Je viens vous remercier et vous rendre ce que je vous dois. » Le jeune peintre eut un geste insouciant. « Bon, de nous deux, vous seuls pouvez vous souvenir de cette bagatelle. Pas de façon avec moi, n'est-ce pas? Si cela vous gênait, le moins du monde. » Cette phrase sonna mal aux oreilles du vaniteux Paul. Il crut y démêler, sous une feinte générosité, l'intention de l'humilier. Jamais plus magnifique occasion d'attester sa supériorité ne s'était présentée. « Oh ! » dit-il de l'air le plus fat, « cela ne me gêne aucunement. J'étais, je l'avoue, fort misérable autrefois, mais j'ai maintenant un emploi de 12 000 francs. » Il pensait que ce chiffre allait éblouir l'artiste, lui arracher des exclamations d'envie. Il se trompait si bien qu'il se crut obligé d'ajouter « À mon âge, c'est joli. » « C'est-à-dire que c'est superbe. Et que faites-vous sans indiscrétion ?» Cette question était amenée par les circonstances mêmes. Cependant, comme Paul n'y pouvait répondre, ignorant quel emploi lui était destiné, elle le blessa autant qu'une insulte préméditée. « Je travaille, » prononça-t-il en se redressant. Son air en lançant ce mot était si singulier qu'André, qui était à milieu des sensations, parut tout surpris. « Il m'arrive rarement de rester à rien faire, » dit-il. « Oui, mais moi, je suis forcé de travailler plus qu'un autre, n'ayant personne qui s'inquiète de mon avenir, ni parents, ni protecteurs. » L'ingrat, il oubliait l'honorable B. Mascaro. Cependant, son ton emphatique sembla réjouir considérablement le peintre. « Parbleu, » répondit-il, « vous imaginez-vous que l'administration des hospices fournit des protecteurs à ses enfants trouvés ?» Paul ouvrit de grands yeux. « Quoi ? Vous seriez ? Précisément, et je n'en fais pas mystère. » Estimant qu'il y a là de quoi pleurer, peut-être, mais non de quoi rougir. Tous mes camarades, même ceux du chantier, le savent, et je m'étonne que vous l'ignoriez. Je suis tout simplement un enfant de l'hôpital de Vendôme, ou même, entre parenthèses, j'ai dû laisser le renom d'un détestable garnement. Vous, moi-même, et franchement, je n'ai pas le plus léger remords, je m'explique. Jusqu'à 12 ans, j'avais été le plus heureux des gamins. La sœur professeure était enchantée de ma mémoire. Le jour, je travaillais au grand jardin qui s'étend le long du Loir. Le soir, je barbouillais d'immenses quantités de papier. Je voulais être peintre. Hélas, rien n'est durable ici-bas. J'eus 12 ans, et la supérieure eut l'idée de me placer en apprentissage chez un corroyeur. Paul s'était assis sur le divan et, tout en écoutant, il avait roulé une cigarette. Il allait l'allumer quand André le retint en lui disant « Vous me feriez vraiment plaisir en ne fumant pas. » Sans trop se rendre compte du caprice, car le peintre fumait beaucoup d'ordinaire, Paul jeta son allumette. J'obéis, mais il me faut la fin de l'histoire. Oh, volontiers, d'autant qu'elle est courte. Du premier coup, ce métier de corroyeur me déplut. Pour comble, dès le second jour, un ouvrier maladroit me renversa sur le bras un seau d'eau bouillante, qui me brûla si cruellement que je faillis en mourir et que j'en porte encore les traces. Il relevait en même temps sa manche droite et montrait une large cicatrice qui, partant de la saignée, remontait vers l'épaule. Dégoûté et échaudé, je conjurai la supérieure, une terrible femme à lunettes, de me faire apprendre un autre état. Prière vaine, elle avait juré que je serais corroyeur. C'était dur, plus que vous ne croyez. Aussi, de ce jour, mon parti fut pris. Décidé à fuir dès que j'aurais amassé une petite somme, je devins le plus soumis et le plus appliqué des apprentis. Au bout d'un an, grâce à des prodiges de travail et de dégoût vaincu, j'avais économisé sous à sous 40 francs. Je me dis que c'était assez, et par un beau matin d'avril, muni d'une chemise, d'une blouse et d'une paire de souliers de rechange, je prenais à pied la route de Paris. Et vous n'aviez que 13 ans, pas même. Seulement, j'ai reçu du ciel une assez forte dose de cette volonté raisonnée que les imbéciles appellent de l'entêtement. J'avais juré que je serais peintre. Vous l'êtes? Non, sans peine, allez. Ah, je vois encore l'auberge, où j'ai couché la première nuit de mon arrivée, à Paris. Elle était située tout en haut du faubourg Saint-Jacques. J'ai été si las que j'ai dormi 16 heures de suite. À mon réveil, je déjeunais d'abord fort bien. Puis, ayant reconnu que mes fonds baissaient terriblement, je me dis « Il s'agit, mon garçon, de trouver de l'ouvrage tout de suite. » Un sourire monta aux lèvres de Paul. Il se rappelait ses premières déconvenues en arrivant à Paris. Et lui, cependant, il n'avait pas 13 ans, mais 22. Il ne possédait pas 40 francs, il en apportait 3 000. « Vous espériez, interrogea-t-il, trouver des travaux à faire ?»« Non, » répondit l'artiste, « j'étais plus fort que cela. Je me disais que pour savoir une chose, il faut l'avoir apprise. Et si je désirais si passionnément gagner l'argent, c'était afin de pouvoir payer mes études. » Il y avait 100 raisons pour que Paul ne souffle un mot. Heureusement, continua André, près de moi, pendant que je mangeais, un gros homme déjeunait. « Monsieur, lui dis-je, regardez-moi. J'ai 13 ans, mais je suis fort comme si j'en avais 16. Je sais lire et écrire. J'ai du courage, une bonne volonté sans pareil. Que dois-je faire pour gagner ma vie ?» Il me toisa une bonne minute, et d'une voix rude me répondit « Va demain matin à la grève, tu trouveras quelque maître maçon qui t'embauchera. Vous êtes allé ? Heureusement pour moi. Dès 4 heures, le lendemain, je me promenais autour de l'hôtel de ville. Je rôdais dans les groupes d'ouvriers depuis assez longtemps quand tout à coup, je reconnais mon gros homme de la veille. Lui aussi m'aperçoit, il vient droit à moi. « Garçon, me dit-il, décidément tu me plais. Je suis entrepreneur de sculpture, veux-tu être mon apprenti ? Tu aideras mes ouvriers ornementalistes, et ils t'enseigneront l'état. » Apprendre la sculpture, je crus voir les cieux s'entr'ouvrir. « Certes, je le veux, répondis-je. Ce qui fut dit fut fait. Ce brave homme était Jean Lantier, le père de mon patron actuel. Mais votre peinture ? Oh, la peinture n'est venue que plus tard. Il fallait commencer par me donner une certaine éducation. Tout en m'appliquant à mon apprentissage, je travaillais. Je fréquentais les écoles du soir, je suivais des cours de dessin, j'achetais des livres, et le dimanche, je me payais un professeur pour moi tout seul, sur vos économies. Mais oui, j'étais bien des années avant d'oser m'offrir un verre de bière. 6 sous, diable, c'était une somme. Enfin, le jour est arrivé où j'ai gagné 80 ou 100 francs par semaine, comme les camarades, et c'est alors que je me suis mis à la peinture, mais les mauvais temps étaient passés. Et vous n'avez jamais été tenté de retourner à Vendôme ? Si, mais je n'y retournerai que le jour où il me sera possible de constituer une rente de 500 francs pour un pauvre moutard abandonné comme je l'ai été. Si André, connaissant Paul, lui prit à tâche de le blesser et de faire saigner les plaies de sa vanité malade, il ne se fut pas exprimé autrement. Chacune de ces phrases était tombée sur le cœur du protégé de B. Mascaro, plus douloureuse qu'un soufflet sur la joue. Pourtant, Paul comprenait que la plus élémentaire politesse lui imposait une phrase flatteuse. Il se fit donc violence et dit « Quand on a votre talent, on n'a besoin de personne. » Aussitôt, comme s'il eût voulu chercher une confirmation de son opinion, il se leva et se mit à tourner autour de l'atelier. En apparence, il examinait les esquisses. En réalité, il était attiré par ce tableau à bordure si riche, placé en face de lui et caché par un rideau. Ce tableau agaçait sa curiosité. Pendant que se déroulait le récit d'André, si irritant et si humiliant pour lui, Paul n'avait pu détacher ses regards de cette toile si exactement cachée. Il réfléchissait et plusieurs circonstances insignifiantes, inaperçues sur le moment, se représentaient vivement à son esprit et lui paraissaient avoir entre elles une étroite relation. Tout d'abord, il se souvenait des remarques de Madame Poilveux, la discrète concierge, au sujet de ces dames voilées qui, accompagnées d'une femme de chambre, venaient parfois visiter le peintre. En second lieu, quand il avait frappé, n'avait-on pas tardé à l'admettre ? N'avait-il pas entendu rouler un chevalet et tirer un rideau ? Puis encore, pourquoi s'est tenu soigné ? Enfin, quel motif poussait André à le prier de ne pas fumer ? De tout cela, Paul concluait que le jeune peintre attendait ce jour-là même sa visiteuse mystérieuse et que ce tableau ne pouvait être que son portrait. De là à souhaiter de soulever ce rideau importun, qu'André consentit ou non, il n'y avait qu'un trait. Aussi, tout en s'arrêtant et s'extasiant devant les esquisses, tout en prodiguant les « fort bien », les « à très réussi », Paul manœuvrait de façon à se rapprocher insensiblement du chevalet. Lorsqu'il se vit à portée, il étendit brusquement la main en disant « Et ceci, qu'est-ce ? La perte de l'atelier, sans doute ?» Mais André, s'il manquait absolument de défiance, n'était pas dépourvu de finesse. Il avait remarqué la tactique de Paul et deviné ses intentions. Blessé dans sa délicatesse, il ne voulut rien dire, craignant peut-être de se tromper, mais il veilla. En conséquence, au moment précis où Paul allongeait rapidement le bras, André étendit le sien plus vivement encore et l'arrêta. « Si je cache ce tableau, c'est que je ne veux pas qu'on le voie. »« Oh, pardon !» fit Paul en s'excusant. Il cherchait à tourner en plaisanterie son indiscrétion, mais au fond, il était très choqué du ton de l'artiste et le jugeait fort ridicule. « Ah, c'est ainsi, » pensa-t-il. « Eh bien, je vais prolonger ma visite. Et si je n'ai pas réussi à voir le portrait, je verrai du moins l'original. » Sur cette belle résolution, il se jeta dans le grand fauteuil de cuir placé près de la table de travail et commença une longue histoire, bien décidé à ne pas apercevoir les gestes significatifs d'André, qui à tout moment tirait sa montre et semblait sur les épines. Il parlait, et il mettait à son récit d'autant plus d'animation que, presque sous sa main, il venait d'apercevoir une photographie représentant une jeune femme. Profitant d'une distraction d'André, il put la prendre et l'examiner un moment avant de dire « Ma foi, voilà une jolie personne !» À cette remarque, le jeune peintre devint plus rouge que le feu, ses lèvres tremblèrent, et c'est avec une violence inouïe qu'arrachant la carte des mains de Paul, il la serra dans un livre. Ce mouvement brutal trahissait si bien une terrible colère que le protégé de B. Mascaro se leva fortement ému, et pendant une minute au moins, les deux jeunes gens restèrent debout, face à face, silencieux, se mesurant du regard comme auraient pu le faire deux ennemis mortels. Ils se connaissaient à peine. Le hasard qu'ils avaient réuni allait les séparer. Et cependant, chacun d'eux sentait vaguement, comprenait, et se disait que l'autre aurait sur sa vie une influence décisive. André, le maître de soi, revint le premier. « Je vous demande pardon. Je suis dans mon tort, de laisser traîner des objets qui devraient être précieusement serrés. » Paul s'inclinait déjà en homme qui accepte une explication quand le peintre ajouta « Cette confiance vient de l'habitude où je suis de ne recevoir chez moi que des amis. Il a fallu aujourd'hui une de ces exceptions imprévues. » D'un geste, Paul interrompit l'artiste. « Croyez, monsieur, » prononça-t-il d'un ton qu'il s'efforçait de rendre blessant, « croyez que sans l'impérieux devoir que vous savez, je n'aurais pas pris la liberté de pénétrer chez vous. » Il dit, pirouetta sur ses talons et sortit en tirant violemment la porte. « Eh, va-t'en, diable, saute indiscret, » murmura André. « Aussi bien j'allais être forcé de te mettre dehors. » Quant à Paul, c'est le cœur gros de colère qu'il quittait l'atelier du peintre. Venu avec l'honnête projet d'humilier de l'étalage de sa prospérité suspecte à un obligeant camarade, il se retirait écrasé. Se comparant à ce héros de la volonté, si grand et si modeste, il se sentait petit, mesquin, ridicule, presque odieux. Et il le haïssait pour toutes les nobles qualités qu'il était contraint de lui reconnaître. Oui, il le haïssait à la mort. « C'est égal, » se disait-il, « je n'en aurais pas le démenti, je la verrais, cet invisible inconnu. » En effet, sans réfléchir à la bassesse de sa conduite, il traversa la rue et alla se mettre en observation devant la maison d'André. Il grelottait, mais les piètres esprits ont pour la satisfaction de leur puérile rancune une ténacité qu'il ne saurait appliquer aux choses sérieuses. Il attendait bien depuis une bonne demi-heure, quand enfin un fiacre s'arrêta devant le numéro X. Deux femmes en descendirent, l'une très jeune, dont la distinction sautait aux yeux, l'autre vêtue comme les suivantes de bonne maison. Sans vergogne, Paul s'approcha, et en dépit d'un voile assez épais, il reconnut parfaitement la jeune femme de la photographie. « Eh bien, » dit-il, « franchement, j'aime mieux Rose. Et la preuve, c'est que je vais la rejoindre de ce pas. Nous allons payer la loupiasse et quitter pour toujours cet abominable hôtel du Pérou. »